Lorsqu'enfin soudain tout se calme, la flamme se tient droite comme une lame, et le son retombe parmi les étoiles. Léopold se pose et questionne son âme. Les idées s'enlacent et se mêlent, la course est finie, doit faire le tri, sortir de ce corps, contempler le ciel, sentir enfin la paix, enrober sa vie. Y a pas si longtemps, il n'avait pas le temps, le temps d'aller doucement et de vivre l'instant. Une liste de choses jusqu'à l'overdose. Léopold courait, maintenant il se pose. Les idées s'enlacent et se mêlent, la course est finie, doit faire le tri, sortir de ce corps, contempler le ciel, sentir enfin la paix, enrober sa vie. Alors que plus de couleurs il voit, que le froid, la chaleur, il perçoit. Et elle passe soudain devant ce roi. Léopold simplement la reçoit. Les idées s'enlacent et se mêlent, la course est finie, il doit faire le tri, sortir de ce corps, contempler le ciel, sentir enfin la paix, enrober sa vie.